avec assurance. Près de ta gloire que tu rêvais, j'avance jusqu'à toi. Vers le lieu saint où tu te tiens, mon âme a soif de toi. Ta gloire descend.